الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان الشفيع في الأنام الرحمة المهداة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان موضوع هذا اليوم المبارك الأغر السعيد خير يوم طلعت عليه الشمس عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيها وثمارها Le prêche de ce vendredi Il est spirituel, dans la continuité des valeurs qu'on avait évoquées il y a quelques semaines déjà, avant qu'on soit un peu noyé par l'actualité. Il s'agit, dans ce vendredi, d'étudier ensemble le sens et les bienfaits de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صيغة الأمر بعد الإثبات إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تبارك وتعالى nous ordonne dans le Coran et nous dit après avoir confirmé ce que lui-même il fait ainsi que ses anges Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète ô vous qui croyez Priez sur lui le bénédiction, les bénédictions et le salut. Qu'est-ce que d'abord la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Salatu fil lugha, dhikr. La salat, sémantiquement, dans la langue arabe, veut dire l'invocation. L'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Salat. La supplication, dua. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصلاة بصفة عامة إذا كانت من الله فهي رحمة وإذا كانت من الملائكة فهي دعاء واستغفار وإذا كانت منا نحن إليه فهي دعاء لله تبارك وتعالى له وحسن الثناء عليه La prière, mes chers frères, mes chères sœurs, on a dit, c'est l'invocation. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il prie sur le prophète ou qu'il prie sur nous, c'est lui qui prie pour vous sortir des lumières, des ténèbres vers la lumière. Le sens, quand c'est appliqué à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la miséricorde. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous envoie, vous enveloppe dans sa miséricorde. Quand il s'agit des anges, quand on nous dit que les anges prient pour nous, vous voyez le privilège de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala lui envoie les anges pour prier, pour lui. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظروا إلى هذا الجمال، انظروا إلى هذا الكرم من الله عز وجل، حيث جعل لنا ملائكة تستغفر لنا، تدعو لنا. Voyez le privilège qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à l'être humain, aux croyants. Les anges, quand ils font la salat, ils prient pour toi, ô être humain. Eh oui, ils sont en train de prier pour toi, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aide à cheminer correctement dans sa voie droite, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que même tes enfants, ta descendance soit avec toi au paradis. N'est-ce que pour cela, on doit être reconnaissant, on doit être dans le choc, dans la gratitude. Et quand c'est appliqué à nous, c'est-à-dire que c'est quand ça émane de l'individu, du abd, de l'adorateur, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on fait le dua pour Allah tabaraka wa ta'ala, d'élever encore sa station, encore et encore, et de confirmer toutes les bénédictions qu'il mérite pour ce qu'il nous a donné, pour la transmission qu'il nous a fait. C'est surtout aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هو نوع من العرفان بالجميل وما أعظمه من جميل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجاه أمته حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزال يحبنا وهو في قبره وهو يشفع فينا يوم الزحام كما في حديث الشفاعة الذي رواه الشيخان أعظم بهذه المحبة أعظم بهذه العناية سجوده صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه أمتي أمتي يا غفور في سكرات الموت كان منشغلا بنا يقول اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا صفية عمتي ولكني أسألك أمتي أمتي أمتي أمتي كان الرحمة المهداة للعالمين حتى الذين آذوه وعادوه لم يدعوا عليهم كما فعل سيدنا نوح أو سيدنا موسى بل دعا لهم الحق تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وكذلك كان وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وإني اختبأت أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ماذا بعد هذا الكرم ماذا بعد هذه المحبة ماذا بعد هذه العناية حتى أن الله تبارك وتعالى قرن محبته باتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال صلى الله عليه وسلم إن يومكم هذا يوم الجمعة من أعظم أو من أفضل الأيام عند الله فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة علي نعم قالوا يا رسول الله وكيف تعرض علينا كيف تعرض عليك يا رسول الله وفي رواية تعرض علي أعمالكم كل يوم جمعة قال وكيف يا رسول الله تعرض علينا عليك أنت هذه الأمال وقد أرمت أي بليت ألم يعد منك شيء في القبر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء Rawahu Ahmad wa Ashab al-Sunan. Mes chers frères, mes chères sœurs, le sens de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah fait cette prière, pour Allah c'est une miséricorde. Quand Allah prie pour nous, c'est une miséricorde pour nous. Quand les anges prient pour nous, comme vous venez de l'entendre dans les versets coraniques, ça veut dire qu'ils demandent à Allah de nous pardonner. Et quel privilège qu'Allah t'a envoyé des anges pour prier pour toi, pour demander le pardon d'Allah pour toi. Et quand c'est de notre part adressé à Allah, quand on fait salat ala rasulillah, la prière sur le prophète, cela veut dire qu'on demande à Allah de l'élever encore plus. C'est de l'éloge qu'on fait pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'élever encore plus en station et de lui donner tous les mérites, tous les mérites pour ce qu'il a fait pour nous, par reconnaissance, par gratitude à ce qu'il a fait pour nous, puisqu'il nous a sauvés des ténèbres de l'insouciance, de l'ignorance, du polythéisme, pour nous amener vers la lumière du tawhid, de la science et de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le minimum de gratitude vis-à-vis de celui qui, quand lorsqu'il se prosternait, il s'occupait de nous, il ne s'occupait pas de lui. Il disait « Oh Allah, ma umma, oh le miséricordieux !» Et même dans les derniers instants de sa vie, lorsqu'il agonisait, il n'était pas occupé par lui-même. Il a dit « Je ne te demande rien pour ma fille Fatima, ni pour ma tante Safiya, mais je demande pour ma umma. » Il était sur son lit de mort et il pensait à nous. Est-ce que nous pensons à lui? Son amour, mes chers frères, mes chères sœurs, est un pilier de notre foi. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un pilier de la foi. Nul n'est véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que son propre père, sa propre mère, son propre enfant et sa propre âme. Évidemment, l'aimer, c'est le suivre. Et pour pouvoir l'aimer, quoi de mieux que de faire salat ala rasulillah de façon abondante? Puisque quand on prétend aimer quelqu'un, on ne cesse et on ne se lasse de l'invoquer, de l'évoquer partout, partout, partout, puisqu'on l'aime. Et donc salat ala rasulillah, la prière sur le prophète, est aussi, en plus d'être un ordre divin, comme vous venez de l'entendre dans le verset coranique, eh bien, c'est aussi une façon de montrer notre amour pour lui, une preuve d'amour. Et c'est aussi une façon de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et dans le hadith authentique rapporté par Ahmed et par les auteurs des Sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que vos actions sont exposées à moi chaque vendredi. Il a dit, le vendredi, c'est l'un des meilleurs de vos jours. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où il va y avoir le soufflement, c'est le jour où Adam est mort également. Il y a plein de choses qui se sont passées le vendredi. Il a dit, priez sur moi abondamment et surtout le vendredi. Et il a dit, vos actes sont exposés à moi. Il a dit, mais ô messager d'Allah, comment nos actes peuvent être exposés à toi alors que tu seras usé dans ta tombe? Et le prophète m'a répond, non, je ne serai pas usé dans ma tombe, puisque Allah a interdit à la terre de se nourrir des corps des prophètes. Et il en est de même également pour Awliya Allah, الذين أفنوا أعمارهم في ذكر الله. Il en est de même également pour les saints, comme ça a été prouvé à la fois par le hadith et par la réalité. Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ordre divin, est aussi une reconnaissance de notre part, une gratitude. Et c'est une façon également de se rapprocher d'Allah par le zikr qu'il nous a ordonné. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. L'avare, le pingre, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement celui qui ne dépense pas, mais celui qui, en entendant mon nom, ne prie pas sur moi. Et il aura la plus grande angoisse au jour du jugement, celui qui ne prie pas sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Vous avez entendu ce que ça veut dire la prière d'Allah sur vous. Et toutes nos actions sont entre l'agrément et le non-agrément d'Allah. كل أعمالنا كل أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة على رسول الله فإنه العمل المتقبل دائما حتما أبدا بل إنه من دواعي استجابة الدعاء كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما تبدأ دعاءك لله عز وجل بالحمد لله والصلاة على رسول الله في البداية وتختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية بما أن الله تبارك وتعالى قبل البداية وقبل النهاية فهي أحرى فهو أحرى وأولى أن يقبل ما بينهما الله تبارك وتعالى accept la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم partout en tout temps. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait conseillé de commencer nos supplications, nos demandes à Allah tabaraka wa ta'ala par la prière sur lui et de la finir par la prière sur lui. Puisque en commençant par la prière sur lui, la prière sur lui est acceptée. En finissant par la prière sur lui, la prière sur lui est acceptée. Donc entre les deux, a fortiori, sera acceptée, sera entendue, sera exaucée. ومنافع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة كثيرة ومتنوعة فهي نور في القبر ونور في الصراط ونور في الجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous indique dans plusieurs hadiths les bienfaits de la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم par les différentes formules, on va y revenir. Elle est une lumière dans ta tente. Elle est une lumière quand tu traverses le pont Sirat. Elle est une lumière même au paradis. Nourun ala nour. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, mes chères sœurs, te donne des bénédictions partout où tu vas. Si tu as un problème, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet de le résoudre. Si tu souffres des péchés, si tu souffres de l'insouciance, la prière sur le prophète sallam permet de dissiper ses péchés. Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu qala sami'tu Abu Bakr yaqul inna as-salata ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mahiqatun lid-dunub kama yudfi'u al-ma'u an-nar. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam anéantit, détruit les péchés comme l'eau éteint le feu. وأختم بحديث جميل عظيم يلخص هذه المزايا مزايا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع أهل العلماء في كتب عديدة الحديث من رواية الترمذي قال عنه أبو عيسى حسن صحيح أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني أصلي كثيرا أذكر الله كثيرا فكم أجعل لك من صلاتي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت, أمر فيه سعة مفتوح. فقال له أبي أجعل لك الربع يا رسول الله. قال ما شئت, فإن زيدت فهو خير لك. قال أبي أجعل لك النصف يا رسول الله. قال ما شئت, فإن زيدت كان خيرا لك. قال أبي فأجعل لك صلاتي كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. أي الأمر الذي تطلبه إلى الله عز وجل يؤتيك, أي أن البركات تحل عليك, الأرزاق تتهاطل عليك حسيها ومعنويها ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركات الأرزاق الحسية والمعنوية ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب dans ce que rapporte Tirmidhi et qu'il qualifie d'authentique vient voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui dit: Ô messager d'Allah, je fais beaucoup de prières, je fais beaucoup de dua, beaucoup de supplications. Combien de parts puis-je réserver pour toi, ô messager d'Allah? Le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit: Ce que tu veux, ce que tu veux, c'est ouvert. C'est ouvert. Le dua, le zikr, c'est ouvert. Ce que tu veux, ce que tu peux. Ubay dit alors, je vais te réserver le quart. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce que tu veux, mais si tu fais plus, ce sera encore meilleur pour toi. Ubay dit, la moitié, je vais te réserver la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce que tu veux, mais si tu fais plus, ce sera encore meilleur pour toi. Alors Ubay comprit le message et il dit, alors toute ma prière, tous mes du'as seront pour toi, ô messager d'Allah. Je vais abonder dans la salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi et lui dit, alors, tes tracas disparaîtront. Tes tracas disparaîtront. Et tes péchés seront pardonnés. C'est-à-dire que par la bénédiction de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous vos vœux sont exaucés. Votre subsistance spirituelle et matérielle sera assurée. Et vos péchés seront pardonnés. Et surtout, surtout, vous allez communiquer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ce qu'on rapporte, Al-Bukhari dans son authentique, celui qui prie sur moi, qui me salue, Allah tabaraka wa ta'ala me restitue mon esprit pour que je puisse lui répondre. Un tel fils d'un tel t'a salué. Et je lui réponds. يرد الله إلي روحي حتى أرد عليه سلامة كفى بها فخرا كفى بها وساما أن تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليك الحبيب المصطفى وهو الشفيع صاحب الشفاعة العظمى فاللهم اجعلنا ممن يكثرون الصلاة والتسليم عليه اللهم انفعنا بكثرة الصلاة والتسليم عليه واجعلنا مع الذين يحشرون معه آمين يا رب العالمين ومن حوضه يسقون إنك سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إن الصلاة على الحبيب المصطفى والتسليم عليه وعلى آله منبع السعادات وسبب كل الخيرات ومبعث لنزول البركات والأرزاق وماحقة للذنوب والسيئات من أكثر من الصلاة عليه كانت له نوراً وشفاء وبلسما وهداية في الدنيا والآخرة ومن أخطأ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ طريقه إلى الجنة. La prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم abondamment est la source de tous les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. La prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم est une preuve parmi d'autres de son amour. La prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم est une gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comporte plusieurs formules. Dans toutes ces formules, vous trouverez les ailes, c'est-à-dire sa famille. Ils sont associés à cela, puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti » ويطهركم تطهيرا وقال آمرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. La famille du prophète صلى الله عليه وسلم, on l'ajoute toujours dans la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم, parce qu'ils font partie des gens qu'Allah تبارك وتعالى dans le Coran nous ordonne d'aimer, nous ordonne de respecter. Et pour finir, parmi les formules de prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم, il y a celle citée dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à ses compagnons. Ce qu'on appelle salat al-ibrahimiyya, que vous faites chaque fin de prière, chaque fin de tashahhud. Vous la faites tous les jours. Walillahi alhamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولم تتوقف الصلاة على رسول الله عند هذه الصيغة فالصحابة رضوان الله عليهم الحمد لله اجتهدوا في الصلاة على رسول الله بصيغ أخرى كثيرة والتابعون كذلك ولم يرى أحد أن هذا بدعة مستحدثة بل هو من باب الاستحباب أن نجتهد في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الصيغ التي تفيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه والثناء عليه كلها محمودة ومأجورة إن شاء الله ولكن هذه الصلاة التي في هذه الصلاة الإبراهيمية التي في الصلاة هي التي أمرنا بها في بعد التشهد الأخير وأقول سيدنا محمد ولا أقول محمد لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي أنا سيد ولد آدم ما روى الحاكم في مستدركه وغيره Et je disais pour finir, les formules de la prière sur le prophète Salma sont très nombreuses. Il n'y a pas une formule figée. Sauf évidemment pour la prière canonique, on a la salat al-Ibrahimiyya que vous connaissez tous. Mais les compagnons, au-delà de cette salat ibrahimiyya que vous connaissez, ils ont, alhamdoulilah, fait l'effort de trouver d'autres formulations. Sayyiduna Ali, Sayyiduna Ubay, etc., etc. Chacun avait des formules différentes. Et toutes ces formules, du moment qu'ils impliquent l'éloge de Sayyiduna Muhammad Sallam, le respect de Sayyiduna Muhammad Sallam, le dua pour lui et la reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a fait pour nous sont, alhamdoulilah, correctes. Et nous donne, implique les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik waj'alna min al-muktirina li zikrika wa shukrika waj'alna min kathra min muktiri as-salati wa taslimi ala rasulillah qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nos langues soient occupées par son invocation qu'Allah tabaraka wa ta'ala occupe nos langues par son invocation et par l'évocation de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa alihi qu'il occupe nos cœurs par son zikr qu'il occupe nos sens par son adoration et son obéissance qu'il fasse de nous des meilleurs ambassadeurs de cette belle religion les meilleurs ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où que nous soyons par l'être et le paraître par le bon comportement par le bel agir par le sourire par le service اللهم اجعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحال والمقال بالمعاملة الحسنة بالابتسامة بأن نكون نافعين أينما حللنا وارتحلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كالله فاس دو نوتخ بيي لا فرانس une terre de paix de prospérité qui nous éloigne de la fitna كالله تبارك وتعالى fasse régner la paix dans le monde fasse régner la paix dans le monde et fasse que ce monde soit en paix, en sécurité, et dans la justice et la prospérité, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide, nous, les musulmans, à être sur la voie droite, sur le suivi de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car l'aimer réellement, c'est d'abord le suivre. Allahumma a'inna ya arhamar rahimin ala tiba'ih fil manshati wal makrah. Allahumma a'inna ala mahabbatih. يا أرحم الراحمين ارزقنا محبته ومحبة صحابته ومحبة العلماء ورثته ومحبة كل عمل يؤدي بنا إلى حبه كالله تبارك وتعالى ندون son amour l'amour de سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم qui l'enracine dans nos cœurs qui nous donne l'amour de ses compagnons l'amour de savants héritiers de son savoir et l'amour de tout acte qui permet son amour et qui permet de le suivre sallallahu alayhi wa sallam Allahumma walata umuri naslihu muslih ala yadihim warzuqhum bitana salihah allati tadullu ala alkhair wa tu'inuhum alayhi ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbal alamin khtim lana bil khatimati allati khatamta biha li anbiya'ika wa asfiya'ika wa awliya'ik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamukumullah